Si on oublie vite nos vies d'hier et d'ailleurs, j'ai entendu dire qu'on faisait que d'ailleurs gratuitement. Tu veux que je te dise un truc, les mecs ici ils sont gratuitement. Et ça ne l'oublie pas, ton pas dans leur jeu, leur vie c'est large. Tu risquerais d'aimer, tu finiras condamné. J'ai vu même des condamnés leur cul. Dès lors que demande qui lui a joué un sale tour. Mais va savoir dans ces sales tours qu'il y a qu'un seul tir à rectifier. Mais ça faut le connaître, à moins que tu l'as oublié. Avant de connaître l'irrécupérable, mais dis-moi qui pleura pour toi, par tes parents, ça paraît clair. T'as oublié que le mal a éclair. Pour lui c'est effroyable, pour nous c'est effrayant. Est-ce que tu vends le frayant un chemin? Eh bien c'est décevant de sa vie. En faire un désastre, un désastre. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Le mal s'empare de nos vies. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Prends pas qu'on part de vite. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Le mal s'empare de nos vies. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Prends pas qu'on part de vite. On oublie vite, on oublie c'est nos mémoires qui se pètent comme une double vitre. Tout ça c'est peut-être du litre qu'on a un cœur chité. Chaque jour on s'égare jeté. Bonheur a été bonne résolution. On finit par aller se décor. On a même souvent rasé les cieux, frôlé la mort. On est ces chiens désordonnés, bon qu'à longer les murs. L'enjeu amer, choisir entre la vie de sa mère ou la vie de ceux qui t'ont influencé. C'est bien que le fléau c'est nos pensées qui s'échappent. Mais mon créné on le fait aussi. T'inquiète c'est le mal qui nous dirige. Donc on n'est pas à 100% responsable. Crois pas qu'on pardonne vite si tu nous manques de respect ça. Tu peux pas dire que c'est involontaire. Quand je vois la terre, quand je vois la terre, à store si mon frère. J'ai rave pour mon futur, si je me méfie tu. C'est pourquoi à présent, ton cœur a se préside. Tant nos idées seront remplacées. Donc faut changer les hauts placés. Vite changer les hauts placés. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Le mal s'empare de nos vies. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Prends pas qu'on part de vite. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Le mal s'empare de nos vies. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Prends pas qu'on part de vite. On vit avec les regrets constamment. Mais qu'est-ce ta mère dirait si tu as oublié tout ce qui t'a permis d'être parmi tous ces gens admirables et de dire la vie de misérable m'irait. On ferait peut-être mieux d'oublier. On oublie vite d'oublier. Si tu veux t'en sortir dans ce monde, le diable est vite. Car lui il t'oubliera pas, je t'explique. Je peux faire le mec qui donne des leçons. Mais certains sont irraisonnés. Il suffirait qu'il se réveille pour enfin se résigner. Car avant moi j'étais un mec qui pensait à dalle. Mais avant ma majorité, mon pote, je me suis récraqué. La rue, j'imaginais pas que structurée. Pendant longtemps, mes idées n'étaient pas structurées. Pour s'en sortir ici, avec quoi toi strict, tire un trait sur tout ce qui va te tartri. J'espère que je m'écarterai du vice et du zétis avant que mon temps soit écourté. Avant que mon temps soit écourté. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Le mal s'empare de nos vies. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Prends pas qu'on part de vite. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Le mal s'empare de nos vies. On oublie vite, nos bonnes résolutions s'envolent comme un oiseau qui part dans le vide. Prends pas qu'on part de vite. On oublie vite. On oublie vite. On oublie vite. On oublie vite. On oublie vite.